suis comblé, car tu m'as béni. Et si je reniais, je serais ingrat. Mais mon Seigneur, si seulement tu m'écoutes, exauce-moi pour cette fois dans ma vie. C'est cette fois mon Seigneur, je te serai fidèle jusqu'au jour de mon départ. Donne-moi ma famille, oh mon Seigneur. Je vais aller au ciel, mais en jusqu'à ce que je dise, tu m'as comblé. Oh, exauce ma prière. Si tu me donnes tous mes enfants, mon Seigneur, exauce ma prière. Je te serai fidèle jusqu'au jour de mon départ. Exauce ma prière. Si tu me donnes toutes mes enfants, jusqu'à ce que mon papa, tu me donnes tout ce que j'aime. Oh, si tu me donnes toute ma famille, mon Dieu, si je retrouve mon papa dans le ciel, Seigneur. Je serai fidèle jusqu'au jour de mon départ. Exauce ma prière. Je ne pas renier, Seigneur. Tu m'as béni. Tu m'as donné le Saint-Esprit. Tu m'as donné aussi le pain. Mais mon territoire s'étend jusqu'à ma famille. Je vais gagner chaque centimètre par centimètre. Maman, mon père, mes frères, mes enfants, je serai vraiment comblé. Oh, Jésus, exauce ma prière. Si tu me donnes toute ma famille, mon Dieu, exauce ma prière. Et prêcherai avec conviction, Seigneur. Alléluia. Exauce ma prière. Et prierai avec conviction. Oh, Jésus, exauce ma prière.